Bonjour et bienvenue à la lecture biblique quotidienne LLB, Lire la Bible. Aujourd'hui, on va continuer la lecture dans Deutéronome, puis ensuite il y aura une portion psaume, une portion proverbe, comme à notre habitude, et nous continuerons le livre des Hébreux, la lettre écrite aux Hébreux, ensuite. J'espère que votre semaine se déroule bien jusqu'à aujourd'hui. C'est Gabriel qui est avec vous. Je vais lire dans la version français courant. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et il vous comblera des bienfaits que voici. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos pétrins de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Lorsque les ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par sept chemins différents. Le Seigneur, votre Dieu, protégera tout ce que vous aurez amassé dans vos greniers. Il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. Oui, il vous comblera de bienfaits dans le pays qu'il vous accordera. Si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur, de votre Dieu, et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre, comme il vous l'a promis. Tous les autres peuples de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur, et ils seront remplis de crainte à votre égard. Le Seigneur accroîtra vos biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits, et vos récoltes seront abondantes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel, où il conserve précieusement l'eau, afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent. Au contraire, c'est vous qui emprunterez à de nombreux étrangers. Le Seigneur fera de vous la première des nations, et non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante et jamais une position inférieure. Mais pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous ai communiqués aujourd'hui de la part du Seigneur votre Dieu. Vous ne devez vous écarter en aucune façon des directives que je vous transmets pour rendre un culte à d'autres dieux. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Il maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il ne mettra pas de fruits dans vos corbeilles, ni de farine dans vos pétrins. Il refusera de vous accorder de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres ne s'accroîtront pas. Il vous maudira dans toutes les circonstances de votre existence, pardon. Dans tout ce que vous entreprendrez, le Seigneur vous enverra la malédiction, la terreur et les tracas, et vous ne tarderez pas à être complètement exterminés à cause du mal que vous aurez commis en l'abandonnant. Il propagera une épidémie de peste jusqu'à ce que vous soyez éliminés du pays dont vous allez prendre possession. Il vous fera souffrir de périssement, d'inflammation ou de fièvre. Il provoquera la sécheresse. Les céréales sécheront sur pied, ou bien elles pourriront. Vous serez atteint de tous ces maux jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel sera dur comme du bronze au-dessus de vos têtes et la terre dure comme du fer sous vos pieds. Au lieu de pluie, le Seigneur enverra du ciel sur vos têtes, terre, de la poussière et du sable jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Le Seigneur donnera à vos ennemis la victoire sur vous. Si vous les attaquez par un seul chemin, vous enfuirez devant eux par sept chemins différents. Tous les royaumes du monde seront épouvantés en voyant ce qui vous arrive. Vos cadavres serviront de pâture aux vautours et aux chacals, que personne ne viendra déranger. Le Seigneur vous enverra des furoncles, comme aux Égyptiens. Il vous fera souffrir d'hémorroïdes, de gales, de pustules inguérissables. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et de délire. En plein midi, vous avancerez en tâtonnant comme des aveugles. Aucune de vos entreprises ne réussira. Vous serez sans cesse exploité et dépouillé, et personne ne viendra à votre secours. Lorsqu'un de vous se fiancera, quelqu'un d'autre couchera avec sa fiancée. Si un autre construit une maison, il ne pourra pas l'habiter. Si un autre encore plante une vigne, il ne pourra pas en cueillir les premiers raisins. Vos bœufs seront abattus devant vous, et vous ne mangerez pas leur viande. Vos ânes seront volés en votre présence, et vous ne pourrez pas les récupérer. Des ennemis s'empareront de vos brebis, et personne ne viendra à votre secours. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée, et vous ne pourrez pas l'obtenir. Un peuple inconnu se nourrira de vos récoltes, de tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploité et maltraité. Le spectacle que vous aurez sous les yeux vous fera sombrer dans la folie. Le Seigneur vous infligera de terribles furoncles inguérissables qui se développeront sur les genoux et les cuisses avant de s'étendre partout de la tête aux pieds. Le Seigneur vous fera déporter avec le roi que vous vous serez donné chez une nation que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connue. Et là, vous adorerez d'autres dieux qui ne sont que des statues de bois ou de pierre. Tous les peuples chez qui le Seigneur vous aura conduit seront stupéfaits de ce qui vous arrive. Ils se mettront à ricaner à votre sujet et à se moquer de vous. Vous sèmerez du grain en abondance dans vos champs, mais vous ne ferez qu'une maigre récolte, car les sauterelles auront tout dévasté. Vous planterez des vignes et vous les soignerez, mais vous n'en boirez pas le vin. Vous ne pourrez même pas entrer la vendange, car les chenilles auront tout dévoré. Vous posséderez des oliviers dans tout le pays, mais vous n'aurez pas assez d'huile pour les soins du corps, car les olives seront tombées avant d'être mûres. Vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil. Tous les arbres et tous les produits de vos terres seront à la proie des criquets. Les étrangers qui séjournent parmi vous augmenteront de plus en plus leur puissance, tandis que vous perdrez progressivement la vôtre. Ce sont eux qui vous prêteront de l'argent, et non plus vous qui leur en prêterez. Ils seront vos maîtres et vous serez à leur service. Tous ces malheurs s'abattront sur vous et s'acharneront contre vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés, parce que vous aurez refusé d'obéir au Seigneur votre Dieu et d'observer les commandements et les lois qu'il vous ordonne de mettre en pratique. Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. Si donc vous ne servez pas le Seigneur votre Dieu avec joie et de tout votre cœur lorsque vous aurez de tout en abondance, vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous serez nus et privés de tout. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. De très loin, du bout du monde, il fera venir une nation dont vous ne connaîtrez pas la langue, et il la lancera contre vous comme un aigle qui fond sur sa proie. Ce seront des hommes au visage dur qui n'auront ni respect pour les vieux, ni pitié pour les enfants. Ils s'empareront de vos bêtes et de vos récoltes, et vous mourrez de faim. Ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni les petits de vos troupeaux de bœufs, de moutons ou de chèvres, et vous finirez par disparaître. Ils vous assiégeront dans toutes les villes du pays que le Seigneur votre Dieu vous aura donné. Ils vous combattront jusqu'à ce que s'écroulent les hautes murailles fortifiées derrière lesquelles vous vous serez cru à l'abri. Durant le siège, vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en reviendrez à manger vos enfants. Vous dévorerez la chair des fils et des filles que le Seigneur votre Dieu vous aura accordée. L'homme le plus raffiné et le plus sensible parmi vous regardera de travers son frère, sa propre femme et les enfants qui lui resteront. Il craindra en effet d'avoir à partager avec l'un d'eux la chair de ses enfants, sa seule nourriture. Il n'aura rien d'autre à manger durant le siège par suite de la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit dans vos villes. La femme la plus raffinée et la plus sensible parmi vous agira de même. Elle qui était si délicate qu'elle ne daignait pas poser la pointe de son pied sur le sol, elle regardera de travers son propre mari, son fils et ses filles, et même son bébé à peine né, et le placenta dont elle sera tout juste délivrée. En effet, privée de tout durant le siège, elle comptera les manger en cachette, par suite de la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit dans vos villes. Veillez à mettre en pratique tous les commandements de la loi de Dieu, rassemblés dans ce livre, et respectez celui qui porte le titre glorieux et redoutable de « Seigneur votre Dieu ». Sinon, le Seigneur lui-même vous infligera, à vous et à vos descendants, toutes sortes de blessures et de maladies. plus graves et plus tenaces les unes que les autres. Il lâchera contre vous tous les fléaux que vous avez tant redoutés en Égypte, et vous en serez les victimes. Il déchaînera même contre vous toutes sortes de maladies et de blessures qui ne sont pas mentionnées dans ce livre, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Après que vous aurez été aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, seule une poignée d'entre vous survivra, parce que vous aurez désobéi au Seigneur, votre Dieu. Autant le Seigneur s'est plu à vous faire du bien et à vous rendre nombreux, autant il se plaira à vous conduire à votre perte et à vous exterminer. Il vous arrachera à la terre dont vous allez prendre possession et il vous dispersera parmi les nations étrangères, d'un bout du monde à l'autre. Vous y adorerez d'autres dieux que ni vous ni vos ancêtres n'aurez connus, des statues de bois ou de pierre. Au milieu de ces nations, vous ne connaîtrez aucune tranquillité. Vous ne trouverez aucun endroit où vous installer. Sous l'effet de la punition du Seigneur, l'inquiétude rongera votre cœur, vos yeux perdront leur éclat et le découragement s'emparera de tout votre être. Votre vie ne tiendra qu'à un fil et vous n'en attendrez plus rien. Nuit et jour, vous tremblerez de peur. Lorsque vous verrez ce qui se passera, la terreur remplira vos cœurs. Le matin, vous direz « Si seulement c'était le soir » et le soir « Si seulement c'était le matin. » Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit pourtant que vous ne le verriez plus. Là-bas, hommes et femmes, vous essayerez de vous revendre à vos ennemis comme esclaves, mais personne ne voudra vous acheter. Nous continuons la lecture ensemble avec le psaume 77. C'est Maxime Leblanc qui est là pour prendre la relève de Gabriel et terminer la lecture avec vous. Donc, nous enchaînons. Je vous rappelle qu'on est mercredi, le 5 avril, toujours dans la version français courant. Lisons donc ce psaume 77, qui est du répertoire du chef de chorale, d'après Yedoutoun, psaume appartenant au recueil d'Azaph. Je m'adresse à Dieu pour crier ma plainte. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me prête attention. Quand je suis dans la détresse, je me tourne vers le Seigneur. Sans relâche, la nuit, ma main se tend vers lui. Je refuse qu'on me console. Dès que je pense à Dieu, je pousse des soupirs. Dès que je réfléchis, je perds courage. Tu m'empêches de fermer l'œil, Seigneur. Je me trouble, je ne sais plus que dire. J'évoque le lointain passé, je repense au temps jadis. Je passe la nuit à réfléchir, je médite et je cherche à comprendre. Le Seigneur nous rejettera-t-il toujours? Ne voudra-t-il plus jamais de nous? A-t-il cessé pour toujours d'être bon pour nous? N'a-t-il désormais plus rien à nous dire? Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié de nous? Dans sa colère, nous a-t-il fermé son cœur? Et je me dis... Ce qui me fait mal, c'est que le Dieu Très-Haut n'agit plus pour nous. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur, oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à tes exploits, je médite tes actes mémorables. Ô Dieu, ton action est unique, aucun Dieu n'est aussi grand que toi. Tu es le seul qui fasse des merveilles, tu as montré ton pouvoir aux autres peuples. Par ta vigueur, tu as délivré ton peuple. Les descendants de Jacob et de Joseph. Ô Dieu, quand les eaux t'ont vu, elles ont été prises de peur et bouleversées jusqu'en leur profondeur. Les nuages déversaient des torrents d'eau, au milieu d'eux grondait le tonnerre, et tes flèches volaient en tous sens. Au roulement de ton tonnerre, les éclairs illuminaient le monde, la terre tremblait de peur. Tu t'es fait un chemin dans la mer, un passage au fond de l'eau, et personne ne retrouva tes traces. Tu t'es servi de Moïse et d'Aaron comme berger pour ton peuple. Proverbes chapitre 12, versets 1 et 2. Celui qui accepte les reproches aime s'instruire. Il est stupide de détester les critiques. Le Seigneur approuve l'homme de bien. Il condamne le maître en intrigue. Nous terminons notre lecture avec Hébreux chapitre 11, versets 20 à 40. Par la foi, Isaac donna à Jacob et à Ésaü une bénédiction qui se rapportait à leur avenir. Par la foi, Jacob bénit chacun des fils de Joseph, peu avant de mourir. Il s'appuya sur l'extrémité de son bâton et adora Dieu. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, annonça que les Israélites sortiraient d'Égypte et indiqua ce que l'on devait faire de ses ossements. Par la foi, les parents de Moïse le tinrent caché pendant 3 mois après sa naissance. Ils virent que c'était un bel enfant et n'eurent pas peur de désobéir à l'ordre du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il demeura ferme, comme s'il voyait le Dieu invisible. Par la foi, il institua la Pâque et ordonna de répandre du sang sur les portes des maisons, afin que l'ange de la mort ne tue pas les fils premiers-nés des Israélites. Par la foi, les Israélites traversèrent la mer Rouge comme si c'était une terre sèche, mais lorsque les Égyptiens essayèrent d'en faire autant, ils furent noyés. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent après que les Israélites en eurent fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui s'étaient opposés à Dieu parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel, ainsi que des prophètes. Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils étaient faibles et devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. Par la foi, des femmes virent leur mort se relever et leur être rendu. D'autres ont été torturés à mort, ils refusèrent la délivrance afin d'être relevés de la mort et de parvenir à une vie meilleure. D'autres encore subirent les moqueries et le fouet. Certains furent enchaînés et jetés en prison. Certains furent tués à coups de pierre, d'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Ou bien, ils allaient d'un endroit à l'autre vêtus de peaux de mouton ou de chèvre, pauvres, persécutés et maltraités. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous. Et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Voilà l'évangile du Seigneur. Nous voulons terminer avant de nous quitter par la prière. Seigneur mon Dieu, toi qui es notre Dieu unique, le seul vrai Dieu, aucun Dieu n'est aussi grand que toi. Tu es le seul qui fasse des merveilles. Tu montres ton pouvoir à ton peuple, Seigneur. Oui, tu as fait des exploits, des actes mémorables. Merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, tes merveilles d'autrefois. Merci pour ce que tu continues de faire dans nos vies, toutes les merveilles et les exploits que tu continues d'accomplir à chaque jour dans nos vies, à travers les grandes comme dans les petites choses. Seigneur, on te confesse nos péchés ce matin. Toi qui connais nos cœurs, tu vois que nos cœurs poussent des soupirs. Tu vois que nos cœurs perdent courage parfois. Tu vois, Seigneur, qu'on doute, que tu nous aies oubliés, que tu nous aies fermé ton cœur. Mais Seigneur, oui, merci pour ta parole, pour ce qu'on a pu lire ce matin. Merci parce qu'on voit que tes plans ne sont pas les nôtres. Parce qu'on voit, Seigneur, que tu nous appelles à garder les yeux fixés sur toi et sur la récompense future. On sait que ce n'est pas dans cette vie qu'on pourra parvenir à la perfection. Mais tu nous appelles, Seigneur, à tenir ferme par la foi pour les promesses que que tu nous promets pour la vie éternelle. Seigneur, on voit dans la lettre aux Hébreux tous ces gens qui avaient foi en toi, qui pourtant ont été tués, sciés, qui étaient pauvres, qui étaient persécutés et maltraités. Mon Dieu, on te demande de prendre nos cœurs et de les garder attachés à toi, de nous aider à persévérer vers le but et à marcher fidèlement et humblement à ta suite, les yeux vraiment fixés sur toi, afin de ne pas craindre, de ne pas douter, de ne pas perdre espoir, mais d'être plein de confiance. Oui, Seigneur, viens augmenter notre foi par ton esprit. Donne-nous une foi ferme et inébranlable. C'est au nom de Jésus, ton Fils précieux qui a donné sa vie pour nous, qu'on te prie ce matin, ô Dieu. Amen.